soit encore des modifications, puisqu'après, maintenant, je partirai ensuite vers 11h moins le quart, je pars, mais pour vous retrouver peut-être sur le petit écran, car tout à l'heure, je serai sur France 2. Hein, vous savez, comme ça, maintenant, on improvise, on part dans tous les sens. On n'arrête plus. On s'arrache, Max, depuis son passage à Love Story. J'ai des grésillements dans le casque. Je disais qu'on me réclame beaucoup sur les plateaux de télé depuis que je suis passé à Love Story. Eh, fais gaffe. Non, mais j'essaie d'être le plus naturel possible, François Fellman. Gérard is back, il est de retour avec Bibi Bissandi. Bonsoir à tous les deux, comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ça va bien? Ouais, ça va. Ça va, très bien. Donc, ils sont là ce soir et vous allez pouvoir, c'est eux qui vont, quand je vais m'absenter avec Sildar Manu et Anka, co-animer la soirée de Radio Libre et qui commenteront peut-être ce que j'ai à faire tout à l'heure sur France 2. Il y a une émission qui s'appelle Le Mot Croisé, on parle des jeunes et de la délinquance et tout ça, donc on m'a demandé de venir dire un petit mot. Donc, non, mais ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Pour un délinquant. Non, mais c'est pas non plus que je maîtrise la délinquance, loin de là, on me demande, maintenant je vais voir ce que je vais pouvoir, on me pose des questions, je répondrai, hein, avec un grand plaisir.